qui passe. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton cœur. Et je suis sûr que vous étiez nombreux à la chanter en voiture à la maison. Celle-ci, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore sur France Bleu Azur. Collecteur de Nicolas Lespol à retrouver sur francebleu.fr ainsi que l'appli. Ici, dans un instant, le trio Christophe Maé, Amadou et Mariam qui nous parleront d'amour. Mais avant, voici Stéphane Echer, ça s'appelle Two People in a Room et c'est sur France Bleu Azur. Cut down to the bone. Leave me all alone. 'Cause a knife is too sharp. A knife is too sharp, baby. It didn't make you. You took away my blues. But I don't wanna find love. Just like me, but here they come, these waves of fear, 'cause I know.

France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici. France Bleu Azur, on fait un point sur vos conditions de circulation. Et bizarrement, malgré la pluie, ça roule plutôt pas mal à cette heure-ci. À signaler uniquement les ralentissements habituels sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Un petit peu de monde également sur la voie rapide à Nice en direction de l'aéroport. Partout ailleurs, ça roule bien dans l'est du département. On va retrouver Flavien du côté de Cannes. Ça se passe comment à Cannes, Flavien? Bonsoir. Oui, bonsoir. Au niveau du trafic cannois, pour le moment, c'est un trafic qui est fluide sur quasiment toute la commune. À noter un seul ralentissement sur l'axe traversant la zone commerciale des Toits, direction A8. Merci beaucoup, Flavien. On vous retrouve dans une heure sur France Bleu Azur. 16h-17h, 100% collector. Thomas Debonneau. 100% collector, ça continue sur France Bleu Azur. Et en ce 18 octobre, je ne pouvais pas oublier l'anniversaire de Chuck Berry, qui vit le jour 1 18 octobre, c'était en 1926. Chanteur, compositeur, guitariste, puis ambassadeur de notre belle planète bleue dans l'espace, puisque son titre Johnny B. Goode fait partie des morceaux qui ont été envoyés dans l'espace à bord des sondes Voyager 1 et 2. C'est en 1977. Des sondes qui ont quitté le système solaire sont actuellement à 23 milliards de kilomètres de la Terre. Et voilà ce que pourront peut-être écouter les petits hommes verts. À 23 milliards de kilomètres, il y a ce titre qui peut être écouté par les aliens. Bon, par contre, pour profiter de plus de tubes, il faudra que nos voisins aliens viennent sur Terre et ils pourront écouter par exemple ce titre. Un titre que Jennifer chantait lors de sa victoire à la Starac, c'était au début des années 2000, et qui est une reprise de Nicoletta, qui sera à l'honneur dans 100% collector de Nicolas Lespol. Après la Star Academy, on reste dans les télécrochets avec celui qui a gagné la Nouvelle Star, c'était en 2006. Christophe Willem et son nouveau titre, Je tourne en rond sur France Bleu Azur. Tout ça juste après un titre écrit par Raphaël pour le premier album de Zaz sorti en 2006. Voici La Fée sur France Bleu Azur. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune. Fini, c'est Yves, moi aussi j'ai une fée chez moi. Et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. Et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. J'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, qui voudrait voler mais ne le peut pas. 16h-17h, 100% musique. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon rôle sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Christophe Willem, je tourne en rond sur France Bleu Azur. On va passer des nouveautés au classique, puisque dans un instant, c'est Nicolas Lespol qui nous dira tout sur la musique de Nicoletta sur France Bleu Azur. France Bleu Azur, la radio optimiste. La radio optimiste. Tous les week-ends à 10h, écoutez celles et ceux qui font bouger la Côte d'Azur. De bonnes ondes, de belles idées, des initiatives au top et toujours au taquet. Une heure d'initiatives positives, avec toutes les bonnes nouvelles entendues sur France Bleu Azur. Des talents et des personnalités à écouter aussi en podcast sur francebleu.fr et l'application ici. Ça se passe ici. En octobre, le Théâtre de Grasse invite le comédien Fred Blin. Vous l'avez connu dans Scène de ménage sur M6. Il vient à Grasse avec un spectacle seul en scène complètement fou. A-t-on toujours raison? Fred Blin tente de répondre à cette question en jouant des situations loufoques, en jonglant avec les mots et avec des ballons de rugby. Un spectacle qui va vous détendre, samedi 21 octobre au Théâtre de Grasse. Retrouvez toutes les infos loisirs des Alpes-Maritimes sur francebleu.fr et l'application ICI. ICI. La métropole fait évoluer son plan local d'urbanisme et vient à votre rencontre. Après une phase de concertation où vous avez pu donner votre avis, une réunion publique est organisée. Son but, vous présenter une synthèse des observations recueillies. Rendez-vous à Nice le 26 octobre à 18h dans l'espace Association Garibaldi. Plus d'informations sur nicecôtedazur.org. La ville de Nice vous invite aux Journées impériales les 20, 21 et 22 octobre prochains. Cette année sera consacrée à Napoléon III. Débats, reconstitutions, spectacles, concerts et expositions viendront mettre en lumière l'influence du Second Empire sur la ville. Les Journées impériales à Nice, les 20, 21 et 22 octobre. Entrée libre. Tout le programme sur nice.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. 16h-17h, 100% collector. Le retour de Nicolas Lespol sur France Bleu Azur. Tous les jours, il pioche dans la discothèque de France Bleu, il déniche un tube, il vous en raconte l'histoire. Aujourd'hui, on part en 1967 avec une chanson qui est une reprise d'un titre américain sorti lui en 1966. C'est la musique de Nicoletta. Oui, c'est tout à fait ça. Un collector de 1967 qui est une reprise et qui nous a fait découvrir cette voix d'or emblématique de la chanson française des années 70. Collector. L'histoire de ce collecteur est celle de Nicole Grisoni, née en 1944 à Thonon-les-Bains, d'un père absent et d'une mère déficiente mentale. Élevée par sa grand-mère, la fillette a 8 ans lorsqu'elle découvre le gospel dans la chorale de sa paroisse. Nicole reçoit l'éducation stricte d'un pensionnat, alors quand elle rentre chez elle, c'est dans la musique qu'elle se réfugie. D'ailleurs, avec ses copines, elle s'échappe souvent de leur village pour aller de l'autre côté de la frontière écouter les nouveautés internationales au rayon disque des grands magasins de Genève. C'est là qu'elle découvre le rock américain, la soul et le blues qui résonnent au plus profond de son âme. Alors toi mon ami, dont les jours sont de pluie, de tout est perdu, écoute et souris. Collector. En 1961, Nicole arrive à Paris. Elle a 17 ans, des rêves plein la tête et travaille comme disque jockey dans les clubs les plus branchés de Saint-Germain-des-Prés. Les soirs de relâche, elle court à Pigalle sur la scène du bus Palladium où elle s'empare du micro et chante, chante et chante encore. Nicole devient Nicoletta, que tout le monde appelle la blanche à la voix de noir. C'est ainsi qu'elle est repérée par le directeur artistique de l'écurie Barclay qui lui fait enregistrer une reprise de L'homme à la moto d'Edith Piaf. Quelques mois plus tard, c'est au tour de La Musique, l'adaptation d'Angelica, une chanson écrite et interprétée par l'américain Barry Mann. Le succès de La Musique est immédiat. Sous la voix grave teintée de blues de Nicoletta, ce texte autobiographique devient le tube de l'été 1967 et se vend à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Et ce n'est pas tout. En 2000, La Musique devient l'hymne de la première saison de la Star Academy. Elle connaît un nouveau succès et devient alors un collector qui met tout le monde d'accord. Moi qui brûlais ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada.

16h-17h, 100% musique. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights, good and sin on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on us, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and s'appelle Night 8 et c'est déjà sur France Bleu Azur. Dans un instant, on fera un point complet sur les infos avec Violaine Hill. Et puis, dès 17h, comme tous les jours, deux propositions de sortie. Les Azuriens qui donnent envie de sortir, ça débute dans un instant sur France Bleu Azur. Les 28 et 29 octobre, retrouvez la 21e édition inédite de l'Europétanque. Plus de 2000 boulistes issus du monde entier se confronteront pendant ce week-end festif dans un tout nouveau cadre prestigieux, l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la pétanque dans les Alpes-Maritimes. Plus d'informations et inscriptions en ligne sur www.europetanque-département06.fr. www.europetanque-département06.fr. Un événement proposé par le département des Alpes-Maritimes. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoute et Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoute et Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Azur. France Bleu Azur, il est 17h. Elle est de retour pour mon plus grand plaisir, c'est Violaine Hill pour les infos. Bonsoir Violaine. Bonsoir Thomas, et du côté des routes, ça roule bien. Ce qui est étonnant, quand il pleut d'habitude, c'est ça bouchonne. Exactement, d'habitude sur la Côte d'Azur, dès qu'il pleut, il y a des bouchons. Et bien là aujourd'hui, ça va bien. En tout cas, à cette heure-ci, on croise les doigts pour que ça continue. Petit ralentissement seulement sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Et un petit peu de monde également sur la voie Matisse dans les deux sens. Pour la météo justement, la pluie va continuer. Effectivement, de la pluie demain matin faible. Des orages par contre prévus par Météo France demain après-midi. Côté température, on perd encore quelques degrés, hein, puisque les maximales monteront seulement jusqu'à 19 degrés. Le football niçois touché de plein fouet par les conséquences du conflit israélo-palestinien. L'OGC Nice a suspendu Youssef Attal jusqu'à nouvel ordre parce que le joueur du club de l'OGC Nice a dérapé. Il a relayé une vidéo appelant à tuer des juifs. Il a enlevé la vidéo, mais le défenseur algérien est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Une enquête ouverte par le parquet de Nice. Qui a tiré sur l'hôpital de Gaza? Israël et les organisations palestiniennes continuent de s'accuser mutuellement. Le Hamas accuse Israël. L'armée israélienne affirme avoir des preuves de la responsabilité du groupe djihad islamique qui aurait raté un tir de roquette. Selon le ministère palestinien de la Santé, ce bilan, en tous les cas, est très élevé, près de 500 morts. C'est le principal hôpital du centre-ville qui a été bombardé. Joe Biden, élu à Tel Aviv, en ce moment, le président américain affirme qu'Israël vient d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Depuis l'Égypte. On le rappelle que des tonnes d'aides sont bloquées depuis maintenant plusieurs jours, notamment à Rafah. Le bilan pour les Français s'est lui alourdi, a annoncé cet après-midi Elisabeth Borne. 24 tués, 7 disparus et 3500 Français qui ont pu être rapatriés d'Israël. Et puis autre suite de ce conflit, la multiplication un peu partout des fausses alertes à la bombe. En France ce matin, de nombreux aéroports en région ont été évacués après des alertes. Air France supprimera sa navette Nice-Orly dans 2 ans. Une annonce ce matin de la compagnie aérienne. Les 24 vols quotidiens entre les deux aéroports, entre Nice et Orly, devraient être repris par la filiale low-cost d'Air France qui s'appelle Transavia. Air France continuera les vols entre Nice et Roissy. La compagnie va déménager son siège sur Roissy. La raison, selon l'entreprise, le nombre des vols intérieurs a baissé de 40% au départ d'Orly depuis 4 ans. Et à noter qu'Éric Ciotti, le député LR de Nice, il fait part de ses craintes de voir la disparition de cette navette historique d'Air France entre Orly et Nice. Comme vous le révélait ce matin France Bleu Azur, Maxime Le Forestier a eu un léger malaise hier soir sur scène à Antibes et il reprend son spectacle normalement ce soir. Le chanteur était simplement en état d'hypoglycémie, il avait dû arrêter son concert, il s'est vite remis, il remonte sur scène ce soir. Dans quelques jours, la Française des Jeux lance un nouveau jeu. Après le patrimoine, c'est les projets nature, mission nature. Il y aura une vingtaine de projets à aider grâce au loto, par exemple pour restaurer des écosystèmes marins. Programme sur l'ange de mer, c'est une espèce de requin en voie d'extinction en Méditerranée. On va aussi donner des fonds pour les chauves-souris, pour la conservation des gîtes de chauves-souris dans les gorges de la Siagne et pour aider aussi à la restauration, toujours en Méditerranée, des herbiers de Posidonie. Le retour de la pluie, bienvenue pour les plantes. Après des mois de sécheresse, ça fait du bien. Pour l'instant, elles ne sont pas très fortes, ces pluies, contrairement au département du Gard et de l'Hérault, qui sont placés en vigilance orange depuis ce matin. Un épisode de pluie un petit peu plus soutenu est annoncé pour vendredi matin. Toutes les explications dans une seconde. Va avec Thomas. La météo 100% locale avec la maison Alziari, moulin à huile et domaine familial à Nice. 60 hectares en AOP, conversion bio. Info sur alziari.com.fr. dans votre boule de cristal. Vous avez vu quoi pour demain? Alors, j'ai vu de la pluie pour toute la journée. Demain, alors de les pluies faibles normalement demain matin. Des orages prévus dès demain après-midi avant effectivement un épisode un petit peu plus compliqué hein, pour vendredi. Côté température, ça baisse. 12 demain matin à Saint-Étienne de Tinée, 14 à Tende, 15 à Entrevaux et Roquebilière, 16 à Lescarène et Grasse, 17 à Saint-Martin-du-Var, 18 sur le littoral. L'après-midi, donc des orages et des températures qui vont rester plus ou moins stables. Il fera toujours 12 à Saint-Étienne de Tinée, 17 à Puget-Théniers, 18 à Villars-sur-Var et Saint-Sauveur-sur-Tinée, 19 à Carros, 19 aussi de Menton à Mont-de-Lieu. 17h-18h, 100% positif sur France Bleu Azur. Thomas de Bonneau. Les Azuréens qui donnent envie de sortir à nos pitchounes. Aujourd'hui, J-2 avant les vacances scolaires, j'ai donc décidé de vous proposer deux sorties pour les plus petits. Et pour cela, on va découvrir un tout jeune festival qui se déroule à Nice. On ira ensuite en plein centre-ville pour retrouver nos amis du Théâtre de la Cité. Les Azuréens qui donnent envie de sortir nos petits sont aujourd'hui Alexia du Festival Buissonnière et Cécile du Théâtre de la Cité. Mesdames, bonjour. Bonjour. 100% positif avec le département 06. Retrouvez l'exposition Tatouage du monde flottant, le corps imagé au Japon, présenté au Musée départemental des arts asiatiques à Nice. Plus d'infos sur département06.fr. Les Azuréens qui donnent envie de sortir nos pitchounes aujourd'hui avec un tout jeune festival. C'est la troisième édition, Alexia, du festival Buissonnière qui va se dérouler ce samedi. Exactement. Alors du coup, nous sommes l'Anthropon qui est au 109, du coup, le pôle culturel contemporain de Nice, situé à Nice-Est. Du coup, l'Anthropon, en quelques mots, a été créé en 2017 et signé auprès de la ville de Nice. Et il s'agit du coup d'un lieu de création d'espace dédié aux nouveaux projets créatifs. Du coup, notre structure est gérée par un collectif de compagnies qui évolue dans différentes disciplines, donc le théâtre, la danse, l'art numérique, la musique, la marionnette. Et aujourd'hui, du coup, nous proposons la troisième édition du Festival du jeune public Les Buissonnières qui va se tenir ce samedi le 21 octobre 2023. Et il y a plein de choses qui vont se passer hein, dans ce festival. Il y a effectivement une compagnie qui s'appelle Incontro qui va ouvrir ce festival. Ce sera samedi matin dès 9h30 avec un public tout jeune hein, puisque ça, on peut emmener des enfants qui ont à peine, j'allais dire, 3 mois. Tout à fait. Du coup, à 9h30, il va avoir le spectacle Bonjour, donc Compagnie Incontro, qui est une performance immersive et participative, du coup, pour le tout public des 3 mois. Du coup, ça sera 2 personnages qui partageront, du coup, leur univers entre manipulation d'objets naturels, de danse, de musique rituelle, avec un final digne d'une grande fête, tout en couleur avec les petits. Eh ben oui, non, c'est immersif, c'est participatif et ça va se continuer comme ça tout au long de la journée, hein, Alexia. Exactement, il va y avoir au total 4 spectacles avec 2 ateliers et après le petit plus du coup du festival, ce sont les projections avec la bande passante, l'atelier web reporter qui est du coup familiarisé l'enfant avec le numérique et les ateliers d'expression libre. Alors l'atelier web reporter, je trouve ça assez sympa. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, du coup, ben, ce sont les enfants qui sont accompagnés du coup de professionnels de numérique et les enfants pourront du coup regarder ce qui se passe avec le numérique, avec le podcast et vraiment jouer avec tout ce numérique et du coup pouvoir créer tout ça. Et c'est vraiment une éducation un petit peu aux médias que vous proposez? Exactement, tout à fait. C'est une création pour les petits et après pour les plus jeunes adolescents. Et si on veut écouter, ça se passera sur le www.ligne16.net. Hein. Exactement, c'est ça. Quand ils vont créer du coup le podcast, ils mettront directement sur ce site et vous pourrez réécouter les podcasts de vos enfants. Et c'est vraiment fait. Alors, c'est vraiment un festival, je disais, hein, pour les enfants uniquement. Pas uniquement pour les enfants, puisque parents et enfants sont bien sûr le bienvenu, ils vont pas venir tout seuls les enfants, mais ça commence très tôt. On a commencé tout à l'heure en parler d'enfants de 3 mois. Là, il y a des ateliers également parents-enfants dès 3 ans. C'est exactement ça. Du coup, il va y avoir un atelier rattaché avec le spectacle Le Vent des Voiles, du coup, qui permettra à l'enfant et aux parents du coup d'assister à la danse et à la poésie et de vraiment mettre en lien l'atelier avec le spectacle qu'il aura vu dans l'après-midi. Je trouve ça génial, ces ateliers parents-enfants. Il y aura aussi des marionnettes, ça les enfants adorent. Oui, tout à fait, du coup, avec le spectacle La Légende de la Troisième Colonne de Stéphane Zweig. Du coup, avec la compagnie Arquetel, il y aura un spectacle avec 2 solos marionnettes et vous aurez du coup le matin même l'atelier où les enfants pourront du coup découvrir les marionnettes. C'est génial, les marionnettes, ça fait toujours rêver les enfants. Il y aura une légende aussi, la légende de la Troisième Colonne de Stéphane Zweig. C'est ça, tout à fait, exactement. Du coup, ce spectacle de durée de 55 minutes est pour tout public et dès 9 ans, du coup. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment pas cher l'entrée de ce festival, hein, puisque un spectacle plus un atelier, donc ça nous fait quand même passer une bonne partie de la journée au festival. Tout c'est seulement 5 euros, le spectacle c'est 3 euros. C'est ça. Et il y a même, alors ça il faut le dire, il faut insister là-dessus, il y a des conditions particulières pour les familles qui habitent les quartiers autour du 109, hein, donc l'Arial, le Paillon, le Palais des Expositions. Quelles sont ces conditions particulières ? Alors, du coup, nous, l'entrepont, on permet à ces familles, du coup, d'accéder, du coup, à la culture directement pour ces familles qui sont autour du 109, donc les quartiers prioritaires. Et du coup, on met en place du coup des billets gratuits pour ces quartiers qui n'ont pas forcément les moyens. Alors, pour vous inscrire, ça se passe sur rp@entrepont.net. Entrepont, hein, et pas entrepôt. Je m'étais trompé, moi, quand on avait pris l'adresse mail ensemble. Entrepont, E-N-T-R-E-P-O-N-T. .net, oui, bien sûr. Et vous avez du coup le lien du coup de la billetterie, de la réservation directement sur notre site internet. Vous pouvez directement aller sur la billetterie et réserver. Et c'est uniquement sur réservation, donc exactement. C'est très important d'aller sur rp@entrepont.net ou téléphoner, un numéro de téléphone aussi. Oui, exactement. 04 93 89 11 60. C'est ça. Et ben merci d'être venu, Alexia, dans les Azuréens qui donne envie de sortir pour nous parler de ce beau festival, 3e édition du festival Buissonnière. Dans un instant, on revient un petit peu au centre-ville, direction la rue Paganini, pour retrouver Cécile du Théâtre de la Cité, qui elle aussi a plein de spectacles à nous proposer pour les enfants. Ce sera juste après Les Innocents, un petit peu comme les enfants, c'est innocent encore les enfants. Voici Un homme extraordinaire sur France Bleu Azur. Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville pour l'estime. Quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir, qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Un jour de tout. femme extraordinaire. C'était Les Innocents sur France Bleu Azur. 17h-18h, France Bleu Azur, en mode positif. Et on passe d'un homme extraordinaire à une salle extraordinaire, celle du Théâtre de la Cité. J'ai eu la chance de découvrir il n'y a pas longtemps, j'avais pas eu l'occasion de venir avant, et je l'ai trouvé vraiment génial, ce salle. C'est une petite salle qui a tout des grandes, en fait. Hein. Ben, effectivement, selon la dimension qu'on considère, c'est une petite salle, mais c'est aussi une grande salle, parce que 256 places, c'est pas complètement petit-petit quand même. Alors, ce que je voulais dire dans ce sens-là, c'était oui, c'est compris, pas zénith. Hein. Mais non, mais elle est vraiment top, cette salle. Je vous encourage à la découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller. Salle qui propose, bien évidemment, alors plein de spectacles pour les plus grands, mais aussi des spectacles pour les plus petits. Effectivement, on a les vacances qui arrivent, donc il va bien falloir occuper nos chères têtes blondes. Et on propose tout à la fois des spectacles destinés aux plus petits, donc c'est les spectacles qui sont à 10h le matin, sur des durées de 30-35 minutes. Donc on va avoir le zoo, des tout petits, on va avoir Que le monde est petit pendant les vacances. Et puis après, on va pas mal voyager, puisqu'on va avoir La pirate qui a peur de l'eau. On va s'arrêter là-dessus. C'est un paradoxe, effectivement. C'est assez marrant, ce paradoxe. La pirate qui a peur de l'eau, comédie magique. Alors en plus, c'est vraiment bien parce qu'on parle des petits, mais là, c'est vraiment adapté aux tout petits, puisque c'est dès 5 ans. Et c'est un spectacle de Sébastien Delso avec une comédienne qui s'appelle Vanessa Delso, qui est sa femme. Qui travaille en famille, oui. Effectivement. Alors, la pirate qui a peur de l'eau, oui, c'est à partir de 5 ans. Bon, évidemment, si certains enfants ont 4 ans, c'est pas très grave. Mais dans ces spectacles, ils mélangent à la fois le théâtre, la magie, la chanson, puisque la compagnie Sens en éveil est spécialisée dans la magie. Souvent, les comédiens sont ventriloques aussi, donc c'est assez fameux. Et sous couvert, effectivement, de divertissement, puisque le but, c'est quand même d'amuser les enfants, il y a toujours une profondeur. Là, il s'avère que c'est une pirate, une fille, qui a peur de l'eau. Donc on va travailler sur quand on a peur de quelque chose, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à vaincre sa peur, comment on va casser un peu les stéréotypes, vu que c'est une pirate et non pas un pirate. Donc derrière ces spectacles, même pour les tout petits, même ceux de 10h du matin qui durent 30 minutes, on a toujours une tension de l'ordre de l'éducation, de l'ordre de l'exemplarité, d'essayer de progresser, de grandir, de pouvoir en parler ensuite à la maison. Il y a toujours un message un petit peu plus profond, un petit peu caché, oui, derrière cette facilité, j'ai envie de dire, bien cette sûr, facilité d'accès. Voilà, la facilité d'accès est assez évidente et importante, surtout quand on s'adresse vraiment à des tout petits, des enfants de maternelle. Mais il faut penser aussi qu'il y a des parents dans la salle, des grands-parents. Alors si c'est pour qu'ils aient envie de sortir leur portable parce qu'ils se font suer, je vois pas l'intérêt. Donc l'idée, c'est d'avoir des spectacles qui vont aussi intéresser les accompagnants et pouvoir procurer une discussion, une interrogation, de poursuivre un peu à la maison ou dans les cahiers de vie que les enfants ont à l'école. On leur donne un petit coloriage en rapport avec le spectacle, qui vont couler dans le cahier de vie. On va pouvoir en parler à la maîtresse. Enfin, il y a tout ce côté éducatif qui est très important. C'est intéressant, effectivement, c'est cette deuxième lecture que peuvent avoir les adultes sur un spectacle à la base dédié vraiment aux enfants. Hein. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que c'est tout public à partir d'eux. C'est-à-dire que c'est tout autant pour les grands. Moi, cette espèce de fracture entre eux, c'est pour les enfants, c'est pour les grands, je trouve ça stupide. Parce que souvent, c'est dit avec une sorte de condescendance, comme si les compagnies qui font du tout petit ou du jeune public étaient moins bien que ceux qui font du tout public. Ben non, c'est ridicule. J'aimerais bien voir parfois des comédiens qui ne font que du tout public se retrouver face à une salle de 250 enfants. Ce n'est pas si évident que ça. Ça demande vraiment beaucoup de métiers, beaucoup de passion, beaucoup de talent. Et bien souvent, on est bluffé par les spectacles pour les enfants. C'est vrai que c'est difficile de capter l'attention des enfants. Alors, 250, j'imagine le challenge. Oui. Et on a vraiment besoin de gens spécialisés, parce qu'ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Ça ne s'improvise pas, je pense, de faire des spectacles pour les enfants. De toute façon, quand vous voyez des spectacles pour enfants qui sont improvisés, en règle générale, c'est pas extraordinaire. On dira, c'est là qu'on se dit que on ne peut pas s'improviser comédien pour les enfants, c'est pas vrai. Enfin, je ne pense pas. C'est pas parce qu'on fait, on a deux bouts de ficelle et qu'on fait que ça va marcher. Malheureusement. Bah oui, mais bref, c'est bon à signaler que c'est un vrai travail. Effectivement, non, c'est vrai que c'est un vrai travail, la comédie magique, comme tu nous le disais. et spécialisé là-dedans. La pirate qui a peur de l'eau. Ce sera les 23 et 24 octobre pour bien débuter les vacances scolaires. C'est à 15h, c'est au Théâtre de la Cité. Et en plus, c'est des tarifs ultra abordables. J'en parlais tout à l'heure pour le festival Buissonnière. Vous faites vraiment des tarifs qui permettent à tout le monde de venir vous voir. C'est entre 7 et 6 euros. C'est vraiment pas cher. C'est-à-dire on propose en plus de ça une carte famille qui fait que c'est encore un petit peu moins cher, mais on s'appelle le Théâtre de la Cité et on est en plein cœur de Nice, ce n'est pas pour rien. Si c'est pour que les gens viennent une fois par mois en se saignant, moi je préfère qu'ils viennent plusieurs fois par mois. Les parents paient comme les enfants, donc moi l'intérêt c'est que les gens viennent au théâtre et pas que cela soit trié du fait de ce qu'on a dans son porte-monnaie. Je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est une belle démarche. On va continuer de parler des spectacles pour le jeune public, pour les tout petits. Ce sera dans un instant sur France Bleu Azur, dans les Azuréens qui donnent envie de sortir. Avec mon mari, on a toujours rêvé d'une pièce en plus pour accueillir nos petits-enfants. Alors, on a fait appel à jedonnemonélectroménager.fr. On a pris rendez-vous et une équipe est venue gratuitement nous débarrasser d'un vieux congélateur qu'on n'utilisait plus. Avec jedonnemonélectroménager.fr, dites adieu à vos gros appareils et retrouvez une pièce en plus, sans bouger de chez vous. C'est merveilleux. Service gratuit d'enlèvement de vos gros appareils, fonctionnels ou non, prenez rendez-vous sur jedonnemonélectroménager.fr, en partenariat avec votre ville. Écosystème, recycler, c'est protéger. Les 21 et 22 octobre, rendez-vous au Salon du Livre d'Histoire à Villeneuve-Loubet. Auteur d'Emmanuel de Varesquiel, invité d'honneur, une trentaine d'auteurs seront présents de 10h à 18h30 au pôle culturel Auguste Escoffier. Soirée d'ouverture le 20 à 18h30 avec Gilles Kepel. Entrée libre, programme complet sur villeneuveloubet.fr. Son cœur ne bat plus. Et 20 minutes, c'est le temps de formation qu'il vous aurait fallu pour pouvoir le relancer. Nous pouvons tous agir. Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes proposent des formations au plus près de chez vous, en 20 minutes chrono. Informations et inscriptions sur sdis06.fr. Une campagne réalisée par le département des Alpes-Maritimes et le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. 17h-18h, musique, trafic et infos positives, Thomas de Bono. Les Azuréens qui donnent envie de sortir, troisième et dernière partie. On reste du côté du Théâtre de la Cité. C'est au tout début de la rue Paganini. Et c'est un théâtre dans lequel vous allez pouvoir emmener vos enfants pendant les vacances. Parce qu'on parlait déjà du 23 et du 24 octobre avec La Pirate qui a peur de l'eau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également un atelier intergénérationnel, hein, Cécile. Hein. Oui, depuis l'année dernière, nous avons mis en place des ateliers de pratiques artistiques intergénérationnaux parce que nous aimons avoir à la fois un parent avec un enfant, un parent avec un papy, enfin bref, mélanger un peu les générations dans ces ateliers intergénérationnels et non pas ce que j'ai dit horriblement avant. Et là, on va avoir le théâtre en papier. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'en fait, notre intervenante qui appartient à la compagnie Labola, c'est d'accord, Sonia Franzolini, nous travaillons avec elle depuis l'année dernière, vient avec du papier, du carton, de la colle, des ciseaux. Et les enfants, et les adultes s'il y en a, vont construire du théâtre de papier, c'est-à-dire comme un peu dans le Kamishibai, quand on va construire les petits décors, on va construire un arbre, on va construire différents éléments de décor. Et ensuite, on va pouvoir aussi construire des sujets qui vont jouer ensuite dans ce décor. Des personnages. Et des personnages, ouais. Alors un animal, un papa, une maman, ce qu'on veut, ou même un nuage, un soleil. Et après avoir créé de ses propres mains ces éléments, on va dans un cadre qui va symboliser une scène, en quelque sorte, pouvoir manipuler et inventer une histoire avec ce qu'on aura créé soi-même. Créer une pièce de théâtre, en fait, à partir de bouts de papier, de bouts de carton, on crée le décor, on crée les personnages. Et voilà, et on va imaginer l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire pour les enfants. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'aperçoit que avec peu de choses, on peut s'amuser et ça les sort un peu aussi des écrans et on s'aperçoit qu'on peut s'amuser en manipulant, en faisant soi-même et ce côté artisanal, c'est très important et Sonia là qui s'occupe d'animer ces ateliers est vraiment très très douée et douce avec les enfants et arrive à leur faire faire des choses tout à fait étonnantes. Et surtout, ça fait appel à leur créativité. On sait que les enfants ont une créativité extraordinaire. Ça n'a pas de limite, leur imagination. Et donc là, ils vont pouvoir la matérialiser, en fait. Exactement. Et c'est concret, parce qu'après, ils repartent avec ce qu'ils ont fabriqué. Et puis, ils peuvent continuer à jouer avec à la maison, en parler à papa, à maman, si papa et maman n'étaient pas là. Et le fait qu'il y ait un adulte de la famille qui partage ça avec l'enfant, ça fait voir les choses, voir l'enfant et voir l'adulte sous un autre jour. Parce que l'adulte, parfois, est bien plus en difficulté que l'enfant pour créer. On voit bien, bien souvent dans ces ateliers que l'adulte est vraiment emprunté, ne sait pas comment s'y prendre, ne sait pas comment faire, alors que l'enfant, très naturellement, hop, hop, hop, mais oui, regarde, ça, c'est un cheval, ok. Why bon, not? Peu importe que ça ressemble à un cheval, hein, on s'en fiche complètement, mais dans l'idée de l'enfant, c'est un cheval, alors que l'adulte va essayer, lui, de faire quelque chose d'assez similaire à la réalité. Et c'est là qu'on voit l'espace de liberté qu'a l'enfant et qu'apporte ce genre d'atelier de pratique artistique. Et ce qui est bien avec cet atelier intergénérationnel, c'est que alors d'une, c'est pendant les vacances, c'est entre 14h et 17h, on peut par exemple laisser son enfant à votre... Vous le gardez, bien évidemment, vous vous en occupez, et puis venir le récupérer à 17h. Pour les parents qui travaillent, par exemple, ça peut être une bonne alternative pour le mercredi 25 octobre. Exactement, puis ça peut laisser aussi un petit temps de respiration à un papa ou à une maman qui, pendant ce temps-là, va faire quelque chose... d'autres, enfin, la liberté, quoi. Effectivement, ben c'est une très bonne idée de sortie, ça. Je suis fier de l'avoir présenté dans Les Azuréens qui donnent envie de sortir. Merci. Ça se passe au Théâtre de la Cité, ça s'appelle l'Atelier Intergénérationnel. Théâtre en papier, le mercredi 25 octobre, c'est de 14h à 17h. Vous pouvez venir avec votre enfant, vous pouvez déposer votre enfant. Bref, c'est à tester absolument. Puis on rappelle également la pirate qui a peur de l'eau. Là, ce sera en début de semaine, 23-24 octobre, 15h. Bon, bref, plein d'idées de sortie. On peut venir vous voir toute la semaine pendant les vacances. Oui, puis aller sur le site parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il faut aller sur le site théâtredelacité.fr. Vous allez tout retrouver. Et puis pour ce week-end, puisque les vacances, ça commence dès ce vendredi, il y a samedi, il y a le Festival Buissonnière. C'est la 3e édition. Ça se passe du côté de 109, Alexia. Exactement, c'est ça. Retrouvez-nous du coup ce samedi pour les 4 spectacles et les 2 ateliers qui vous attendent. Et là, une fois de plus, c'est pas cher du tout. Entre 3 et 5 euros, voire gratuit pour certaines personnes. Allez sur le site, vous allez tout découvrir. Merci à toutes les deux d'être venus dans Les Azuréens qui donnent envie de sortir. Merci à vous. À très bientôt sur France Bleu Azur. Demain matin à 9h, France Bleu Azur, à votre service. Bonjour. Arnaud Visconti. La peur n'évite pas le danger. Parfois, il faut oser. L'idée de prendre la parole devant un auditoire vous pétrifie. Prendre votre retraite vous fait peur, comme d'oser changer de boulot. Alors, on cherche des solutions pour dépasser ces peurs qui vous gâchent la vie. Votre témoignage tout de suite en nous appelant et demain à 9h en direct. Retrouvez les bons plans et les réponses à vos questions sur l'application ici et francebleu.fr. Je vais t'aimer. La comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Visitez le salon Solucop et soyez acteur de votre copropriété. Venez rencontrer des fournisseurs pour votre copro, des experts reconnus et assister à des conférences innovantes. Des réponses à vos questions, des solutions à vos problèmes. Rendez-vous au Palais Nicaïa de Nice les 26 et 27 octobre, là où l'avenir de votre copropriété se dessine. Ne ratez pas cette opportunité. C'est gratuit, c'est innovant, c'est essentiel. Entrée et parking gratuit. Inscription et infos sur solucop.com. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici. France Bleu Azur, enfin, nouveau point sur vos conditions de circulation. Alors sur Nice, ça roule plutôt bien, à part sur la voie Matisse, hein, ça commence un petit peu à se charger dans les deux sens. Également du monde hein, sur la pénétrante entre Nice et la pointe de Comte. Difficulté à signaler sur la route des Trois Moulins, on est à Sofia, Antipolis. Et puis toujours hein, sur la route de bord de mer, la départementale 6007, c'est entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Ça se passe comment, Flavien, du côté de Cannes? Oui, bonsoir. Au niveau de la circulation cannoise, pour le moment, c'est une circulation toujours un peu dense, mais fluide sur l'ensemble de la commune. C'est sur la partie ouest que se concentrent les forts ralentissements. Nous allons commencer par le boulevard du Midi, donc route du bord de mer, en direction de Mandelieu. Après le giratoire Romano, vous commencez à ralentir. Plus au nord, c'est un axe traversant la zone commerciale des Tourades, direction A8, où vous êtes très fortement ralenti. Et pour finir, encore un peu plus au nord, c'est une liaison intercommunale de la Sienne, fortement ralenti dans les deux sens de circulation vers Mandelieu et vers Cannes. Merci beaucoup Flavien, on vous retrouve dans une heure sur France Bleu Azur et nous on va jouer. Jouer pour aller voir un spectacle incroyable. Il est clown, il est formidable, il s'appelle Fred Blin et il sera au Théâtre de Grasse. Ce sera ce samedi à 20h. A-t-on toujours raison? C'est la question que se pose Fred Blin. Vous allez voir, c'est totalement déjanté, c'est surtout totalement drôle. Il va se déguiser, il va jouer avec des jongler pardon avec des ballons de rugby comme avec les mots, il chante, il danse, il explore avec brio toutes les couleurs de l'échec. C'est un as dans plein de domaines, le burlesque en l'occurrence. Il est vraiment très drôle, Fred Blin. Allez le découvrir hein, si vous ne le connaissez pas. Ça se joue au Théâtre de Grasse, et en plus c'est totalement gratuit pour aller le voir puisque c'est moi qui vous offre les places. Vous nous appelez simplement au 04 93 82 03 04 04 93 82 03 04 pour aller voir cet artiste à ne pas louper, Fred Blin au Théâtre de Grasse ce samedi. Appelez-nous pendant ce temps-là. On va passer de la sorcière qu'il joue à une princesse. Elle s'appelle Cendrillon et c'est Téléphone qui vous raconte son histoire sur France Bleu Azur. 04 93 82 03 04 pour jouer avec nous. Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle. qui es si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. La belle histoire de Cendrillon, revue et corrigée par téléphone sur France Bleu Azur. Et c'est Frédéric que j'accueille. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Thomas. Frédéric qui est de Valbonne. Oui. Qui est en voiture a priori, Frédéric. Je me suis arrêté, je viens de finir ma journée. Bon, ça va, c'est sérieux alors. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric ? Je suis pompier. Ah, ben voilà un beau métier. Oui, c'est vrai. Effectivement. Pompier à Valbonne ? Oui. Ça va, la journée n'a pas été trop difficile ? Ouais, ça va, comme ça va, on est habitué, hein, vous savez. Bon, eh bien écoutez, après les journées de pompiers qui parfois doivent pas être très drôles, hein, vous devez voir des trucs pas toujours très sympas, je vous propose d'aller rigoler, Fred. Oui, ouais. Frédéric, oui, bah, parce que j'ai Fred Blin sous les yeux, c'est pour ça que je vous appelle Fred. Mais je vous propose d'aller rigoler avec votre homonyme, Fred Blin, pour le coup. Ce sera du côté de Grasse, c'est samedi à 20h. Vous avez pas de garde, c'est bon ? Non, c'est bon. Bon, allez, donc c'est bon, vous pouvez bloquer votre soirée. C'est de les places sont pour moi. Oui, vous savez avec qui vous allez y aller ? Oui, avec mon ami probablement, oui. elle s'appelle comment ? Elle, Nathalie. Nathalie, et ben Nathalie, Frédéric, je suis ravi de vous offrir cette sortie en couple. Vous allez rigoler, c'est garanti sur facture. Ah ben, j'espère, en tout cas, je suis toujours content du spectacle que vous offrez, donc il n'y a pas de raison. Eh ben, c'est ultra sympa, Frédéric, on va continuer à vous offrir des spectacles, hein, tous les jours dans les Azuréens qui donnent envie de sortir. C'est tous les jours les plus beaux spectacles de la région à gagner. Vous devriez enregistrer, hein, le téléphone, c'est fait déjà peut-être dans votre portable. Bien sûr, le numéro du standard. Au moins vous cliquez de suite. Oui, hop. Bien sûr. Oui. Et vous êtes le premier à nous appeler. Ça, c'est beau. Oui. On aime les auditeurs fidèles comme ça sur France Bleu Azur. C'est gentil, merci à vous. En tout cas, merci pour vos émissions et puis bonne continuation. Merci. On peut passer un bonjour aux pompiers. C'est quel Bien sûr, hein, c'est la caserne de Valbonne, il n'y a pas de souci. La caserne de Valbonne. Eh ben, un bonjour à tous les pompiers de la caserne de Valbonne et plus globalement à tous les pompiers qui nous écoutent puisque vous faites un travail extraordinaire. On vous dit jamais assez merci. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt, Frédéric. Profitez bien, vous nous faites des photos, hein, pour les réseaux sociaux, hein, de Fred Blin. Ce sera fait. Allez, je compte sur vous. À très bientôt. Pour vous aussi. C'est adorable. À très bientôt, Fred. Au revoir. On retrouve Kyo et Cœur de Pirate qui nous reprennent une dernière danse sur France Bleu Azur. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre. Trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière. Ça ne change rien, je reste de ses mains. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté. On le connaissait tout seul, avec Kyo uniquement, avec Cœur de Pirate, c'est très bien aussi. C'était Dernière Danse sur France Bleu Azur. 17h-18h, France Bleu Azur, en mode positif. Demain, 6h-9h, bonjour, avec Quentin Lacrome. Vous connaissez le climathon, rien à voir avec une course, mais nos méninges vont quand même travailler ce week-end, vendredi et samedi à Cannes, au campus universitaire Georges Méliès. Des questions auxquelles on est invité à trouver des réponses. Comment réduire nos consommations d'énergie ou notre consommation d'eau? On va en parler avec notre invité qui fait du bien à la planète, Benoît Agassan, du service environnement de Cannes. Suivez l'émission en direct à la radio et en simultané sur France 3 Côte d'Azur et sur l'appli ICI, ICI. Après les émissions de télé tout l'été, voici la tournée événement Drag Race à Nice. Dans son cabaret extravagant et festif, Nick Idol accueille les 11 candidates reines de Drag Race, dont une niçoise. Spectacle féerique au Palais Nicaïa de Nice, samedi 28 octobre. France Bleu Azur vous offre vos places. La ville de Nice vous invite aux Journées impériales les 20, 21 et 22 octobre prochains. Cette année sera consacrée à Napoléon III. Débats, reconstitutions, spectacles, concerts et expositions viendront mettre en lumière l'influence du Second Empire sur la ville. Les Journées impériales à Nice, les 20, 21 et 22 octobre. Entrée libre. Tout le programme sur nice.fr. France Bleu Azur, enfin, nouveau point sur vos conditions de circulation sur la Côte d'Azur. Je vous rappelle que si vous croisez un accident ou un événement majeur sur la route, n'hésitez pas à partager l'info avec les auditeurs de France Bleu. Vous nous appelez à tout moment, 04 93 82 03 04. De mon côté, je vois des difficultés sur la route des Trois Moulins. On a Sophie Antipolis, 14 minutes à rajouter sur votre temps de trajet habituel. Ça bouchonne également, mais là, vous en avez l'habitude, sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Pas mal de monde également sur la voie Matisse en direction d'Acropolis, tout comme sur la pénétrante du Paillon entre Nice et la Pointe de Comte. Je crois que c'est un de mes titres préférés. Il s'appelle Bohemian Rhapsody. Voici Queen sur France Bleu Azur. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Trigger. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Il y a des chansons comme ça qu'on est obligé de laisser jusqu'à la dernière note. Bohemian Rhapsody, Queen sur France Bleu Azur. Il est l'heure de retrouver Adrien Mangano. 17h-18h, France Bleu Azur, en mode positif. Il est l'heure de retrouver Adrien Mangano pour le tapis rouge. Bonjour Adrien. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le chanteur Maxime Le Forestier a fait un malaise hier soir à Antibes, Adrien. Ah ben oui, un malaise alors qu'il avait pratiquement terminé son concert sur la scène d'Antea. Il a commencé à chanceler, à trébucher. Son fils Arthur, qui fait partie des musiciens qui l'accompagnent, s'est rapidement précipité sur son père. Le public est resté dans un premier temps silencieux, troublé, inquiet par ce qu'il voyait, avant d'applaudir lorsque le chanteur s'est relevé en titubant. Et très vite, le chanteur était pris en charge par les pompiers. Exactement, il n'a pas eu besoin de se rendre à l'hôpital, plus de peur que de mal, et son entourage tient à rassurer le public qu'il devrait maintenir son concert ce soir au théâtre Antea d'Antibes. C'est ce que nous a communiqué d'ailleurs Daniel Benoît, le directeur du théâtre, en précisant que ce n'était qu'une hypoglycémie. Maxime Le Forestier, c'est un incontournable de la chanson française. Ah, des chansons tendres, poétiques, parfois engagées, 50 ans de carrière, et des succès qui ont marqué plusieurs générations. On écoute quelques extraits. C'est une maison bleue, adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, il suffit que quelqu'un fredonne, petit air que j'avais fait pour toi. Le grand modèle de Maxime Le Forestier, c'était Georges Brassens. Mais oui, il dit toujours Brassens, c'est un vaccin contre la connerie. Et cet amour pour Brassens est né bien avant de débuter sa carrière, lorsqu'il s'est offert son tout premier instrument de musique. J'ai acheté ma guitare. Une fois que j'ai eu ma guitare, je suis dans le magasin d'à côté où il y avait des partitions. J'ai demandé au mec, qu'est-ce que vous avez pour voix et guitare? Il m'a donné 4 chansons de Brassens. Et ça a changé ma vie. Maxime Le Forestier a fréquenté la Côte d'Azur. Il en garde d'ailleurs un souvenir inoubliable de Nice. C'est vrai qu'il remonte à la fin des années 60. Il était venu à Nice avec sa sœur Catherine, forcé et contraint de faire la manche dans les rues de la vieille ville. Ça, si je me souviens bien, c'était l'été 67. On avait commencé avec ma sœur, on faisait un duo. On avait commencé par faire une croisière sur un bateau qui s'appelait le Renaissance. Et avec des vieux, on chantait, puis ils nous offraient 2 semaines de croisière. C'était pendant la guerre des 6 jours. On devait aller en Israël, et puis ils ont changé de cap très très vite. On est allé sur Istanbul. On avait quelques gigs en première partie de Claude François, mais qui était organisé par un type qui était pas très clair. On a joué 2 ou 3 fois, et à chaque fois, il partait dans les montagnes avec la caisse, et il n'a jamais payé personne. Ce fait qu'on savait plus comment remonter à Paris, donc on s'est installé dans un petit restaurant qui s'appelait l'Écurie, qui doit exister toujours, d'ailleurs, dans le Vieux-Nice, où on chantait le soir, et on habitait chez la serveuse. Moi, je dormais sous la table, et on a passé un mois, comme ça, à Nice, à gagner notre vie, à gagner notre vie et le billet de retour. Ah, c'est des bons souvenirs, et puis même sur le coup, c'était vraiment sympa. Puis le Vieux-Nice, c'est magnifique. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre 2 maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Je rappelle encore une fois que Maxime Le Forestier va bien suite au malaise hier soir au Théâtre Antée à d'Antibes, et que le spectacle aura bien lieu ce soir au même endroit, et c'est complet. Merci beaucoup Adrien, chronique à retrouver sur francebleu.fr et l'appli ici. À demain. 100% positif avec le département 06. Retrouvez l'exposition Tatouage du monde flottant, le corps imagé au Japon, présenté au Musée départemental des arts asiatiques à Nice. Plus d'infos sur département06.fr. La musique reprend ses droits sur France Bleu Azur avec un groupe qui s'appelle La Petite Culotte. C'est original ça. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne quand elle est arrivée. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne se souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Et j'attrape Lolita, et je me prends une chapate, car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? On l'a entendu tout l'été, cette chanson. C'était La Petite Culotte sur France Bleu Azur. Dans un instant, comme tous les jours, un début de 100% Aiglon. Dernière chance pour vous hein, de gagner peut-être le maillot dédicacé de Dante, puisque je vous le rappelle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Partagez notre publication hein, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Il vous reste encore quelques minutes pour être sélectionné. Et puis, interview de Dante, troisième et dernière partie. Pour ses 40 ans, vous allez apprendre plein de choses grâce à Maxime Baquier. C'est dans un instant et c'est forcément sur France Bleu Azur. Demain à 10h, bienvenue chez vous. Bonjour, alias Egaoula. Plus de 1200 oliviers multicentenaires composent le domaine oléicole de la famille Le Satigny. Depuis 4 générations maintenant, cette famille cultive le fruit emblématique de la Côte d'Azur sur les collines au-dessus de Nice. Jean-Yves Le Satigny, oléiculteur, nous dévoile un peu de sa Côte d'Azur. Demain dès 10h dans Bienvenue chez vous sur France Bleu Azur. À demain. Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli ICI, ICI. La radio qui augmente votre budget loisir, c'est France Bleu Azur. Gagnez tous les jours vos places de ciné, de concert, de spectacle, vos entrées pour les parcs d'attractions, les sites touristiques et les musées des Alpes-Maritimes. 100% local, 100% gagnant toute la journée sur France Bleu Azur et l'appli ICI. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Azur. France Bleu Azur, il est 18h. Elle est de retour, elle est à l'heure. Pour les infos, c'est Violaine Hill. Bonsoir Violaine. Bonsoir Thomas. Est-ce à cause de la pluie? En tous les cas, sur Sofia, les routes sont encombrées. Exactement, particulièrement la route des Trois Moulins, Sofia Antipolis. 20 minutes à rajouter sur votre temps de trajet habituel. Ça bouchonne toujours sur la D6007, la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Difficile également sur la voie Matisse en direction d'Acropolis, tout comme sur la pénétrante en direction de Comte. La météo, des averses en quantité vont tomber du ciel demain. Oui, alors demain matin, ça devrait être plutôt calme, enfin des averses légères, on va dire. Les orages, hein, eux, sont prévus pour demain après-midi. Côté température, on perd plusieurs degrés puisque les maximales ne dépasseront pas les 19. La sanction est tombée contre le joueur de foot niçois qui a relayé une vidéo contre Israël. L'OGC Nice a suspendu Youssef Attal. Le défenseur algérien a dérapé, on le rappelle, en publiant une vidéo qui appelle un jour noir pour les Juifs. Une enquête est ouverte par le parquet de Nice pour apologie du terrorisme. Alexis Arad, bonsoir. Bonsoir. Le club a attendu en fait son retour sur Nice pour mettre le problème sur la table. Oui, parce que Youssef Attal était en sélection en Algérie. Hier, le club a échangé avec le joueur sur la polémique. Cette vidéo dans laquelle il partage les propos d'un prédicateur islamiste. Youssef Attal s'était vite excusé, affirmant qu'il ne soutiendrait jamais un message de haine. Des excuses qui n'ont donc pas convaincu les dirigeants du gym. Suspension jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est peut-être que le début. Le club allemand de Mayence a suspendu puis rompu le contrat du joueur néerlandais Anwar El Razi pour des faits similaires en ce début de semaine. De son côté, le gym indique que cette suspension est une sanction préalable. à celle qui pourrait être décidée par les instances sportives et judiciaires. Comprenez, la balle est maintenant dans le camp de la Ligue et de la justice. Sur le terrain au Proche-Orient, la frappe sur l'hôpital de Gaza a fait près de 500 morts. Joe Biden, qui est à Tel Aviv, assure que c'est dû à une roquette hors de contrôle tiré par un groupe terroriste, une frappe ratée du djihad islamique, selon les Israéliens, qui disent même avoir des preuves. Mais des milliers de manifestants restent convaincus que c'est Israël qui a bombardé cet hôpital. Il y a eu, comme hier, aujourd'hui, de grandes manifestations pour soutenir le Hamas à Amman, Tunis, Damas, Beyrouth, en Égypte. Et puis Joe Biden a surtout annoncé qu'Israël autorise, ça y est, l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. On le rappelle que des tonnes d'aide sont toujours bloqué depuis plusieurs jours, notamment au point de frontière à Rafah entre Gaza et l'Égypte. Et sur l'attaque du Hamas en Israël, le bilan pour les Français s'est alourdi, annonce Elisabeth Borne. 24 tués, 7 disparus et 3500 Français rapatriés. En France, où les polémiques continuent après l'attaque islamiste d'Arras, David Lisnard prend la parole. Le président de l'Association des maires de France, maire de Cannes, demande lui au gouvernement que les maires puissent connaître, puissent avoir accès au fameux fichier S pour pouvoir se servir de ces informations. Ah ben, on ne les connaît pas. On demande au préfet, et ça dépend du préfet, qui vous en indiquera quelques-uns, malgré toutes les réunions que l'on fait. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Connaître les fichiers S, si je ne peux rien faire, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, on a des débats aussi au sein des maires, hein, et en ce qui me concerne, si on me dit, voilà, tel et tel est fichier S, il est potentiellement dangereux, mais vous ne pouvez pas lui refuser un logement social, parce que ça porterait atteinte à l'enquête, mais vous êtes obligé de lui assigner une aide ou une aide sociale, etc. Mais c'est pire que tout. Donc, la doctrine, il faut qu'elle soit clarifiée en la matière. Savoir qu'il y a des fichiers S sans pouvoir rien faire serait peut-être pire que tout. Autre conséquence de ce conflit, la multiplication des fausses alertes à la bombe. À noter un colis suspect dernièrement cet après-midi, boulevard Gambetta sur la ligne T2 à la gare Alsace-Lorraine du tramway. C'était un colis suspect. Finalement, l'opération a tout déminé et le tramway a pu repartir et en France, de nombreux aéroports régionaux ont été évacués après plusieurs alertes à la bombe. Air France veut supprimer sa navette Nice-Orly. On a aujourd'hui 24 vols quotidiens d'Air France entre Nice et Orly, c'est important, mais la compagnie va changer ses plans de vol car elle quitte Orly pour déménager sur Roissy. Air France a communiqué ce matin, Laurent Vareil, qu'est-ce qui va changer? Alors la compagnie a reprécisé plusieurs points, d'abord sur Roissy. Les vols Air France vont perdurer et pourront même être renforcés. Maintenant sur Orly, c'est là que le doute existait. Hein. Air France délègue les vols à sa compagnie low-cost Transavia. En clair, il y aura toujours des avions du groupe Air France KLM qui feront les allers-retours avec la plateforme sud-parisienne, mais les avions seront estampillés Transavia. Le service à bord ne sera quand même pas le même. Sur la fréquence, Air France est en revanche beaucoup plus flou. Aujourd'hui, alors c'est en basse saison, hein, Violaine est en une semaine au moins 14 rotations entre Nice et Orly par jour. En basse saison, c'est bien sûr plus, vous l'avez dit, quand on se trouve dans les mois d'été et actuellement. En 2026, pas sûr que Transavia assure autant de rotations. Et un responsable de l'aéroport précise déjà qu'il y a des compagnies qui sont au portillon et qui pourraient avoir envie de récupérer les créneaux ainsi libérés pour faire du Nice-Paris, mais pas que. Peut-être aussi pour offrir de nouvelles destinations à la plateforme azuréenne qui, on le sait, tourne de plus en plus la tête à l'international. Et à noter qu'Éric Ciotti, le député LR de Nice, a fait part de ses craintes de voir la disparition de la navette historique d'Air France sur Orly. Comme vous le révélez ce matin France Bleu Azur, Maxime Le Forestier a fait un léger malaise sur scène à Antibes hier soir, mais il reprend son spectacle ce soir. Il avait juste eu un petit malaise d'hypoglycémie. Il s'est vite remis. Dans quelques jours, la Française des Jeux lance un nouveau jeu après le patrimoine, c'est Mission Nature, avec une vingtaine de projets à aider, par exemple restaurer des écosystèmes marins, notamment pour venir en aide à une espèce de requin, l'ange de mer en voie d'extinction en Méditerranée, ou encore des fonds pour les chauves-souris dans les gorges de la Siagne, qui coule, vous le savez, dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, ou encore des aides pour restaurer des herbiers de Posidonie. Voilà, c'est le nouveau jeu de la française des Jeux, Mission Nature, lancée dans quelques jours. Enfin, le retour de la pluie est bienvenu pour les plantes après des mois de sécheresse. Pour l'instant, ce ne sont pas les fortes pluies comme dans les départements du Gard et de l'Hérault qui sont en vigilance orange. L'épisode un peu plus soutenu est attendu pour vendredi matin. La météo 100% locale avec la maison Alziari, moulin à huile et domaine familial à Nice. 60 hectares en AOP, conversion bio. Info sur alziari.com.fr. Et vous nous confirmez, Thomas, pour l'instant, ce sont des gouttes de pluie. Exactement, quelques gouttes qui vont continuer à tomber toute la nuit. Demain matin également, les pluies devraient normalement être légères. Ça ira beaucoup moins bien demain après-midi, hein, puisque des orages sont prévus sur l'ensemble du département. Côté température, on continue de perdre des degrés. Demain matin, il fera seulement 12 à Saint-Étienne-de-Tinée, 14 à Tende, 15 à Entrevaux, 16 à Lescarène-et-Grasse, 17 à Saint-Martin-du-Var, 18 sur le littoral. L'après-midi, je vous le disais, donc des orages vont éclaté sur l'ensemble du département. Et ça ne permettra pas au mercure de grimper puisqu'on aura toujours 12 à Saint-Étienne-de-Tinée, 17 à Puget-Théniers, 18 à Villars-sur-Var et Saint-Sauveur-sur-Tinée, 19 à Carrosse, 19 aussi de Menton à Mandelieu. 100% Aiglon. 100% Aiglon. Thomas de Bono. 100% Aiglon, c'est parti avec aujourd'hui une spéciale Dante puisque le capitaine des Rouges et Noirs fête son 40e anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Happy birthday. Ben oui, happy birthday, mais bien sûr, Violaine. Violaine, fan de Dante, Violaine. Mais bien sûr. C'est surtout à la rédaction. Ça, on sait qu'à la rédaction, ils sont fans des Rouges et Noirs en particulier. On va souhaiter un bon anniversaire à Dante. On l'aura également en interview exclusive. C'est Maxime Bacquier qui allait recueillir cette interview. Et puis, son maillot à gagner, maillot dédicacé, c'est tout de suite. Et c'est sur France Bleu Azur dans 100% Aiglon. Des messages d'anniversaire qui ont plu hein, sur les réseaux sociaux de France Bleu Azur pour Dante. On a Cyril qui nous dit merci pour tout ce que tu apportes et as fait pour le gym et pour nous supporters depuis toutes ces années. Au-delà de ton immense carrière, ton implication et ta fidélité en rouge et noir font de toi une légende niçoise. Merci. Et Bayetta également. Denis, cher commandant Dante, tu es désormais une légende de l'OGC Nice, le talent au service de l'excellence et de l'exigence. Un modèle, une icône au-delà du foot. Merci pour tout. Et puis Céline qui nous dit bonjour capitaine Dante, mon fils et moi nous vous souhaitons un merveilleux anniversaire. Et tout de suite on va retrouver Louane qui voulait lui souhaiter son anniversaire. Elle a 12 ans, elle est extrêmement fan de Dante. Bonsoir Louane. Bonsoir. Alors Louane, fan de Dante? Oui. Ah bah, mais... écoute, l'antenne est à toi, tu peux lui dire un bon anniversaire, tout ce que tu veux. Bah, je voulais lui souhaiter un très joyeux anniversaire, qu'il continue comme ça, donne la motivation à l'équipe. Et j'espère qu'ils vont nous faire une belle saison et qu'ils vont continuer à nous faire rêver. Et encore un très joyeux anniversaire, et Issa Nissa. 40 ans hein, pour Dante. Et toi, je crois que tu fais ton anniversaire demain, me semble. Oui, c'est ça. On a un jour d'écart. Et ben, bon anniversaire en avance, Louane. Merci beaucoup. J'étais ravie de t'avoir au téléphone. Merci d'être passée sur France Bleu Azur. À très bientôt, Louane. Et après joyeux anniversaire, il va être l'heure de jouer. Pour cela, j'accueille Fabrice et Cyril. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Fabrice, Cyril, trois questions. Vous me donnez votre prénom. Dès que vous avez la réponse, vous criez votre prénom. Alors, c'est des questions extrêmement difficiles, donc j'attends pas la réponse exacte. C'est celui qui sera le plus proche de la bonne réponse qui repartira avec la victoire et la sélection pour le tirage au sort qui aura lieu dans une petite dizaine de minutes maintenant. On commence avec la capacité de l'Alliance Riviera. Elle est de combien selon vous, Fabrice? Alors Fabrice, vous me dites? Alors on est sur à peu près 32 500 je dirais aujourd'hui. 32 500. Et pour vous Cyril? 32 350. Alors on est à 35 624 exactement. C'est donc Fabrice qui marque le premier point. Deuxième question. Super. Le maximum de points marqués en une saison par l'OGC Nice après à partir du moment où la victoire était à 3 points? Fabrice. Alors Fabrice, 39. 39 points sur une saison, ok. Et pour toi, Cyril? Moi, j'aurais dit plus. J'aurais dit une cinquantaine de points. Ok. Eh ben, Cyril, c'est toi qui gagne. C'était 73 points. Oh, ouais. C'était 73 points marqués en une saison par l'OGC Nice. Un partout, les garçons. C'est la question qui va vous départager. Le nombre de clean sheets en une saison pour l'OGC Nice. On va commencer par Cyril cette fois-ci. Je dirais le maximum, on parle. Hein. Ouais, le maximum de clean sheet en une saison. Je dirais 6. 6. Pour toi, Fabrice? Je dirais 7, du coup. 7. Eh bien, c'était 20. 20 clean sheets en une saison. C'était entre 2002 et 2003. C'est donc toi, Fabrice, qui est sélectionné pour le tirage au sort qui aura lieu dans un instant. Tirage au sort qui va permettre de désigner le gagnant de l'OGC Nice. Et bravo, Fabrice. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as vu un peu la prod américaine, les applaudissements et tout? Ouais, j'ai vu ça, c'est pas mal du tout. On est vraiment sur une grosse production. Avant, là, si je vais gagner maintenant. Eh ben écoute, il y aura un tirage au sort, ça va être fait par une main innocente. Je pense que c'est Alix, notre réalisatrice, qui va faire le tirage au sort. C'est dans un instant, restez bien avec nous, puisque dans un instant, c'est notre ami Dante qui sera là, interview exclusive qu'il a donné à Maxime Baquet à l'occasion de ses 40 ans. Juste avant un petit peu de musique, je vois Adèle arriver, c'est Rolling in the Deep que je vous offre sur France Bleu Azur. Dante, c'est dans un instant, juste après Adèle. Dans 100% Aiglon sur France Bleu Azur. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Adèle, c'était Rolling in the Deep sur France Bleu Azur. Et dans un instant, une autre voix unique, celle de notre commandante et le capitaine des Aiglons. C'est Dante qui sera l'honneur sur France Bleu Azur. Tous les jours à 11h, Bienvenue chez vous. Le jeu. Passez un bon moment avec l'équipe France Bleu Azur, découvrez les Alpes-Maritimes et gagnez des cadeaux. Et quel cadeau à 50 euros à gagner en chèque carburant en jouant au jeu de 11h. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Vous allez sur l'appli ici ou sur notre site internet. Jean qui sera demain en direct du festival Replay. Vous pouvez également jouer par téléphone 04 93 82 03 04. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Mais moi, j'ai la solution. J'ai fait confiance à jedonnemonélectroménager.fr. J'ai pris facilement rendez-vous et une équipe est venue gratuitement prendre mon gros lave-linge. Ça soulage, surtout au quatrième sans ascenseur. Avec jedonnemonélectroménager.fr, on vient chez vous. Plus besoin de descendre votre appareil sur le trottoir. Et ça, votre dos, il aime. Service gratuit d'enlèvement de vos gros appareils, fonctionnels ou non, prenez rendez-vous sur jedonnemonélectroménager.fr en partenariat avec votre ville. Écosystème. Recycler, c'est protéger. Les 21 et 22 octobre, rendez-vous au Salon du Livre d'Histoire à Villeneuve-Loubet. Autour d'Emmanuel de Varesquiel, invité d'honneur, une trentaine d'auteurs seront présents de 10h à 18h30 au pôle culturel Auguste Escoffier. Soirée d'ouverture le 20 à 18h30 avec Gilles Kepel. Entrée libre, programme complet sur villeneuve-loubet.fr. France Bleu Azur, enfin un nouveau point sur vos conditions de circulation. C'est toujours difficile, hein. Route des Trois Moulins à Sophia Antipolis. Difficile également sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Pas mal de monde sur la voie Matisse ce soir en direction d'Acropolis. Ça roule bien dans l'autre sens. Et du monde également sur la pénétrante du Paillon entre Nice et la Pointe de Comte. 100% Aiglon. 100% Aiglon. Sur France Bleu Azur. France Bleu Azur, on vous l'a promis depuis le début de la semaine, hein, une interview exclusive de Dante. C'est aujourd'hui ses 40 ans, bon anniversaire à lui encore. Retrouvez-le tout de suite avec Maxime Baquier. Bonjour Dante. Bonjour. Et bon anniversaire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Il représente quoi ce cap des 40 ans pour toi? Ça y est, on y est. Bah, c'est clair, ça représente beaucoup pour moi. Surtout que j'ai jamais pensé qu'à mes 40 ans, j'étais en train de jouer à ces niveaux-là, dans un tel club, dans une telle ligue. Ça me fait vraiment plaisir et je suis très heureux d'être encore là. Qu'est-ce qu'on prévoit pour un jour aussi spécial? Ce serait quoi le cadeau idéal, par exemple, pour un anniversaire comme ça pour toi? Pas un anniversaire comme ça. D'abord, c'est clair que, en tout cas, la bonne santé de toute la famille, pour moi, c'est le plus important. Après, c'est clair que dans 3 jours, on aura Marseille. Et ça, c'est un très grand cadeau, ça me fait un très grand plaisir parce que je pense que, pas que pour moi mais pour les supporters, c'est un match très important à chaque saison. Depuis quand c'est un objectif ce cap des 40 ans? Depuis quand ça te trotte dans la tête de te dire j'ai envie de le passer sur le terrain ce cap-là? Jamais j'ai eu cette idée-là, cette cap-là. J'ai simplement l'idée de m'amuser le maximum que j'ai pu sur le terrain, d'être très lucide, très franc avec moi-même par rapport à où, jusqu'à où j'y peux aller. Et voilà, après, c'est que, après ma blessure, ça m'a mis un reset dans la tête au niveau motivation, au niveau envie de continuer à jouer le plus longtemps possible, un reset de s'apercevoir encore plus combien j'étais heureux et combien je suis privilégié d'être sur le terrain encore. Et voilà, le cap aujourd'hui, c'est de faire le maximum, puis essayer le maximum et aider le maximum mes partenaires et le club. Il y a des joueurs en vieillissant qui s'économisent, qui comptent un petit peu les séances. Toi, encore ce matin, tu faisais du rab, tu retournais après la séance toucher le ballon. C'est aujourd'hui primordial pour toi pour justement rester en forme. Toi, c'est ta manière aussi de garder ce niveau-là, c'est d'aller toujours t'entraîner toujours plus fort. Bien sûr, j'ai eu toujours cette mentalité, cette depuis jeune, hein, cette envie de faire le maximum. Parce que quand tu t'entraînes bien pendant la semaine, tu es beaucoup plus rassuré pour les matchs. Et c'est pas parce que maintenant j'ai 40 ans qu'il faut commencer à s'économiser. Bien sûr, il faut simplement être vigilant par rapport à une certaine charge, mais jamais négocier l'envie de se faire mal, l'envie d'aller au-delà de ses limites. Et le jour où je ne réussirai plus à m'entraîner comme il faut, comme moi j'aime, c'est-à-dire tout le temps à fond et à 100%, c'est le moment que je me dis que je dois arrêter. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui fera qu'un jour tu considéreras que c'est le bon moment? C'est simplement le corps? C'est la tête? C'est un peu les deux? C'est un tout. C'est le corps, c'est la tête. Parce que il y a toujours mon envie et mon pouvoir. C'est pas pareil. Peut-être que j'aurais envie, mais moi, je pourrais plus. Et vice versa. Je pense que